Alors attends, vas-y, je vais commencer l'enregistrement. Monsieur, bonsoir. Ah. Ah, monsieur, bonsoir. Ouais, ça m'arrange, ça m'arrange. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Le client, c'est quoi ça, un mec? Monsieur, bonsoir. Est-ce que ça le fait chier de voir des gens qui arrivent ou pourquoi il est énervé, le mec? En cas, ça le fait chier que les gens viennent, en fait. Vas-y. Ok, d'accord. Ok, donc là il est caissier là. Oh. Ok, oh c'est triste. Je suis désolé pour toi. Alors, donc vas-y, recommence. On se met dans le contexte. Monsieur, bonsoir. Non, attends, là ça fait le mec qui en a marre. Monsieur, bonsoir. Attends, plus sec peut-être? Ah non, non, non, mais moi j'aime bien quand les trucs sont bien cadrés et tout, alors. Pour être sûr. Voilà vos deux melons et votre banane. Ah d'accord, plus tranquille, moins énervé. Voilà, vos deux melons et votre banane. Ok. Voilà, vos deux melons et votre banane. Mais avec six bananes et mais avec six bananes et seulement deux melons, on peut pas faire une bite, sois pas con, tiens, regarde. Mais avec six bananes et seulement deux melons, on peut pas faire une bite, sois pas con, tiens, regarde. Et il commence à les disposer pour faire une bite, quoi. Tiens, regarde. Okay, attends. Mais avec six bananes et seulement deux melons, on peut pas faire une bite, sois pas con. Tiens, tiens, regarde. Mais je peux la refaire de toute façon. Attends, chut, ta gueule. Attends, chut, ta gueule. Attends. Attends, chut, ta gueule. J'écoute. Oui, j'écoute. Attends, chut, ta gueule. Oui, j'écoute. Vas-y. Non, non, non, mais il faut que vous me disiez, moi. Faut que vous me disiez si c'est bon ou pas. Ah, monsieur Bonobo! Hey, c'est monsieur Bonobo! Attends, c'est trop con. Le mec, il sait même pas qui c'est, ça se trouve. Est-ce qu'il est content d'avoir monsieur Bonobo? Ok. Ah! Merde, attends. Il est en train de crever, en fait. Ah, monsieur Bonobo! C'est monsieur Bonobo. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Oui, je prends votre commande. Oui, je prends votre commande. Oui, je prends votre commande. Ouais. Ouais, c'est ce que je voulais faire en fait, mais j'ai pas réussi. Oui, je prends votre commande. Oui, je prends votre commande. Ah, ça. Monsieur Bonobo. Ok. Ah, monsieur Bonobo. C'est monsieur Bonobo. C'est monsieur Bonobo. Bonobo. C'est monsieur Bonobo. C'est monsieur Bonobo. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? De quoi? Alors, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Oui, je prends votre commande. Oui, je prends votre commande. Oui, je prends votre commande. Eh ben, prends-toi une chaise et fais pas chier. Eh ben, prends-toi une chaise. Eh ben, prends-toi une chaise et fais pas chier. Eh ben, prends-toi une chaise et fais pas chier. Putain. Ok. Bah, prends-toi une chaise et fais pas chier. Attends, peut-être changer la fin. Bah, prends-toi une chaise et fais pas chier. Bon, voilà. Hey! Je tabasse qui là? Attends. Hey, je tabasse. Merde. Hey! Oh la vache. Attends, faut que j'arrive à faire le. Hey! Je tabasse qui là? Alors putain, attends, j'arrive pas à lire le texte en même temps. Ok. Tant que je peux tous vous voir, vous êtes pas en surnombre, compris? Monsieur, bonjour. Ok. Je tabasse qui là? Tant que je peux vous voir. Ah non, non, tant que je peux tous vous voir. Tant que je peux tous vous voir, vous êtes pas en surnombre, ok? Ah merde, c'est compris. Tant que je peux tous vous voir, vous n'êtes pas en surnombre, compris? Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Ah oui, c'est. Monsieur, bonjour. Pointure 47. Bien sûr. Ouais, non, vous savez quoi? C'est super long. Attends. Il s'interrompt à peine de parler. Ah, ça, attends. D'accord. Donc, alors. Pointure 47? Bien sûr. Ouais, non, vous savez quoi? C'est super long. Il parle de quoi, là? Didi. D'accord. Ok, d'accord. En fait, c'est parce que j'avais pas encore lu, du coup. C'est pour ça. Ouais, non, vous savez quoi? C'est super long. Pardon? Ah, merci. Oui, donc vous savez quoi? C'est super long et je suis pas sûr de tout avoir compris tout de suite. Donc je vous retrouve directement au QG si vous préférez. Il préfère pas? Eh ben, il a pas sa commande! Ok, très bien, à tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Je suis con. Oui, donc vous savez quoi? C'est super long et je suis pas sûr de tout avoir tout de suite. Ah oh, merde. Du coup, comme c'est pas sur la même ligne, je bloque, je suis vraiment une merde. Oui. Donc attends. Oui, donc vous savez quoi? Attends. Oui, donc vous savez quoi? C'est super long et je suis pas sûr de tout avoir tout de suite. Du coup, je. Du coup. Putain. Oui, donc vous savez quoi? C'est super long et je suis pas sûr de tout avoir tout de suite, donc je vous retrouve directement au QG si vous préférez. Il préfère pas? Eh ben, il a pas sa commande. Ok, à tout à l'heure. Bah. Ah merde, mais attendez, je crois. Merde, attendez. Attendez, merde, j'ai. Ah putain, c'est horrible. En fait, je crois que j'ai saturé, du coup, je vais refaire quand même. Parce que tant qu'à faire. Il préfère pas! Eh ben, il a pas sa commande. Ok, à tout à l'heure. Bon, je pense que la fin. Sacré monsieur Bonobo. Sacré monsieur Bonobo. T'as pas entendu, trou de balle? Je suis viré. Mais t'as pas entendu, trou de balle? Je suis viré. J'essaye de faire d'autres. Et du coup, je t'attends dehors avec mes gars et tes fruits, on va te les mettre dans le... Putain, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai ma souris qui fait n'importe quoi. Je pense que je vais le dire et puis faut voir au montage. Et du coup, je t'attends dehors avec mes gars et tes fruits, on va les... Putain. Et du coup, je t'attends dehors avec mes gars et tes fruits, on va te les mettre dans les muqueuses. Ça faisait trop, un petit peu guette. Et du coup, je t'attends dehors avec mes gars et tes fruits, on va les mettre dans le cul. Merde, putain, à chaque fois j'oublie un mot. Et du coup, je t'attends dehors avec mes gars et tes fruits, on va te les mettre dans le cul. Attends, je l'ai mal dit là. Et du coup, je t'attends dehors avec mes gars et tes fruits, on va te les mettre dans le fion. C'est trop long, arrière-teint. Et du coup, je t'attends dehors avec les... Ouais, je vais le faire. Et du coup, je t'attends dehors avec mes gars et tes fruits, on va te les mettre dans le fondement. Mais du coup, voilà, ça devrait le faire. Blablabla. Mais du coup, blablabla. Dans l'œil. Attends. Alors. Dans le fias. Et du coup, je t'attends dehors avec mes gars et tes fruits, on va te les mettre dans le fias. Dans le fignard, c'était bien aussi. Dans quoi? Putain. C'est... Et du coup, je t'attends dehors avec mes gars et tes fruits, on va te les foutre dans le fignard, c'est ça? Merde, j'ai oublié. Et du coup, je t'attends dehors avec mes gars et tes fruits, on va te les mettre dans le fignard. C'était peut-être un peu trop. Ouais. Voilà, ouais, c'est ce que je pensais faire. Et du coup, je t'attends dehors avec mes gars et tes fruits, on va te les mettre dans le fignard. Peut-être dans le fignard. Les fruits, on va te les foutre dans le fignard. Mais c'est beau, c'est la beauté de l'allitération en F. Et du coup, je t'attends dehors avec mes gars, on va te les foutre dans le fignard. Et du coup, je t'attends dehors avec mes gars et tes fruits, on va te les foutre dans le fignard. Ouais. Et du coup, je t'attends dehors avec mes gars et tes fruits, on va te les foutre dans le fignard. Mais j'espère qu'il y en aura au moins une qui marche. Ouais, c'est vrai. Ok. Ah ouais? Putain, ça fait longtemps, 10 ans, bordel. Mais ce dialogue, putain. Ouais, mais je vais essayer. Mais j'espère qu'il n'y a pas trop d'écho, pas trop de problèmes de... Au niveau de l'enregistrement, on verra bien. Ah Oh. Ouais, c'est horrible. C'est bizarre ça qu'il n'y ait pas d'écho de pièces en extérieur. Putain, mais c'est vachement RP en plus. Le mec, il a un scaphandre. Mais what? Ok. Bah ouais, vas-y. Essayez que je m'énerve pas. Essayez que je m'énerve pas. Ah, attends. Essayez de parler franchement. Je croyais qu'il voulait dire essayez que, de pas m'énerver en fait. Mais de manière beauf. Essayez que je m'énerve pas. Essayez que je m'énerve pas. J'ai dit essayez, J'ai dit essayez, je donne pas d'ordre. Ah, oh, j'ai dit essayez, je donne pas d'ordre. Putain. J'ai dit essayez, je donne pas d'ordre. Jamais entendu parler. Jamais entendu parler. C'est plus une question du coup. C'est plus une question du coup. Le blanc. Non. Qui est en train de péter un câble. Donc oui, mais vous avez des espions vous maintenant? Ok. Donc oui, mais vous avez des espions vous maintenant. Attends, je l'ai mal prise au début. Mais vous avez des espions vous maintenant. Donc oui, mais vous avez des espions vous maintenant. Pas vous. Ok, pas vous. Pas vous. Oh putain. C'est vous. C'est vous qui venez de le dire. Bah, c'est vous qui venez de le dire. C'est vous qui venez de le dire. Blabla. Allô? Bon, ça va alors. Question? Question. Pardon, je me suis étranglé tout seul comme un con. Question. Question. Ok. Oui. Vous me payez pour que je continue de vendre des armes à l'autre con? Est-ce qu'il est toujours en train d'étouffer ou pas? Vous me payez toujours pour que je continue de vendre des armes à l'autre con? Autre question? Pardon. Autre question? Je peux vous embrasser? Je peux vous embrasser? Oh! Merde. Mais voilà, maintenant j'ai la voix cassée. Parce que j'ai toussé. La voix de fragile. Oh! Bonjour et bienvenue sur lemarchanddarmes.com. Bon, j'espère que ça va aller au niveau de l'enregistrement parce que j'ai vu que j'avais un problème de niveau. J'espère que normalement ça devrait aller. T'es sûr? Non, de toute façon, s'il faut refaire des trucs, je pourrais les refaire moi-même. Là, j'ai déjà ça. J'arrête l'enregistrement. Je vous fais un bisou dans l'enregistrement, voilà.